Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107FM pour cette 19ème chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la première partie des méthodes d'effacement. Avions poursuivi par le style flash, et avions terminé par le style viking, ainsi que quelques motifs propres à ce style dont je vous épargnerai ma prononciation. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la deuxième partie des méthodes d'effacement, poursuivrons avec le tatouage noir et gris couleur, puis finirons avec un motif et ses significations, démarrons. Comme l'on en a parlé dans la chronique précédente, le détatouage laser est une technique qui permet d'enlever à l'aide d'un laser appelé laser déclenché ou pigmentaire un tatouage. Celui-ci envoie un rayon sur le tatouage afin de faire exploser les pigments des encres. Il existe plusieurs lasers, 4 plus précisément. Le laser de 695 nanomètres, qui est un laser rubis de rayon rouge. Celui de 755 nanomètres, qui est le laser alexandrite de rayon rouge, lui aussi. Un laser de 1064 nanomètres, le laser YAG, qui est lui infrarouge, ainsi qu'un dernier, qui fait partie des lasers YAG, qui sont de 532 nanomètres et qui est un laser vert. Cette technique, quand elle est faite par des non-professionnels, peuvent donner des séquelles ou des cicatrices. On peut détatouer presque tous les tatouages, hormis les tatouages tribales, qui, avec leurs lignes très noires, sont quasiment impossibles à enlever. Donc, la meilleure solution est de se servir des lignes déjà créées pour faire un autre motif. Comme je l'ai dit plus tôt, il peut y avoir, à part des cicatrices, des effets indésirables avec les lasers déclenchés. Nous allons en parler. Il faut savoir que le résultat cosmétique d'un laser déclenché est généralement difficile à obtenir, et des complications dermatologiques ainsi que certains effets secondaires peuvent résulter du traitement au laser. De l'hypopigmentation, une diminution de la coloration habituelle de la peau. De l'hyperpigmentation, qui est au contraire de l'hypopigmentation, l'assombrissement de la peau. Il y a aussi un possible effacement incomplet du tatouage, voire le foncement d'une couleur claire, comme par exemple le noircissement du jaune ou encore des saignements et autres infections. Il y a un point positif à tout cela, si on peut dire. C'est que les tatouages faits par les amateurs sont en général plus faciles à faire enlever. Au contraire, ceux réalisés par les professionnels peuvent demander parfois jusqu'à une dizaine de séances de détatouage, et encore, il n'est même pas sûr qu'ils soient totalement enlevés. Comme vous le savez, il existe plusieurs types de pigments. Les pigments synthétiques et les pigments naturels, comme l'encre de Chine. Ces derniers sont plus difficiles à enlever que les premiers, et ce n'est pas fini. Il y a encore plusieurs autres problèmes avec le détatouage, comme les couleurs jaune et turquoise, qui ne peuvent être effacées que par un laser de resurfaçage. Celui-ci va en fait brûler totalement cette zone de peau. Tous ces effets secondaires dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire les douleurs, les rougeurs, les inflammations, etc., sont souvent transitoires quand le traitement est bien fait. En ce qui concerne l'hypopigmentation et l'hyperpigmentation, ce sont les lasers rubis ou l'alexandrite qui en sont la cause. En effet, comme leurs longueurs d'onde sont fortement absorbées par la mélanine de l'épiderme, ils peuvent découler ces résultats. Les lasers YAG, quant à eux, sont ceux qui respectent mieux la peau. Mais terminons par dire que les risques de cicatrices disgracieuses diminuent actuellement avec les nouveaux lasers plus performants. Le détatouage n'est pas la seule utilité des lasers déclenchés, il en existe d'autres. Ceux-ci peuvent par exemple enlever des pigments naturels de l'épiderme, comme les taches de vieillesse, de naissance ou encore les taches solaires, en une seule séance. Certains lasers YAG sont aussi utilisés pour l'épilation, le remodelage cutané non ablatif, c'est-à-dire les rides, le traitement de l'acné, etc. Cependant, ces lasers sont bien moins efficaces que les lasers provoquant l'effet thermolyse, avec la même longueur d'onde. Il existe des cas particuliers de tatouages dont les pigments sont combustibles ou explosifs. Il existe quelques cas où, lors de la destruction au laser d'un tatouage, les pigments riches en nitrate et en organométalliques peuvent s'enflammer dans la peau, voire y créer des mini-explosions. Leur ignition, l'état d'un corps en combustion, peut en effet être déclenché par le laser destiné à détruire le tatouage. Il y a deux cas où de tels phénomènes ont pu être observés. Le premier, en cas de tatouage accidentel, dû à l'insertion de poudre de fusil dans la peau, lors d'un accident par explosion ou blessure par balle. Ces poudres ne devraient être traitées au laser qu'avec précaution, car le laser provoque des petites explosions avec cavitation. Ces dernières sont dues à la naissance d'oscillations radiales de bulles de gaz ou de vapeur dans un liquide soumis à une dépression dans l'épiderme, et les trous transépidermiques ainsi formés laissent des cicatrices hypertrophiques qui peuvent toutefois, selon Yezel et Pilekank, éventuellement être à leur tour traitées par un resurfaçage de la peau via un autre type de laser. Le deuxième cas se passe aux États-Unis, lors de la destruction au laser d'un tatouage qui avait été réalisé avec des pigments colorés issus de poudre de feu d'artifice. Le laser a provoqué de petites explosions avec étincelles visibles à l'œil nu, projetées au travers de la peau, lesquelles sont laissées des cicatrices de type variolique, et lors du traitement d'un autre tatouage sur la face ou avec précaution et après essai sur une petite partie du tatouage, 75% des pigments ont pu être détruits sans laisser de cicatrices. Comme vous avez pu l'entendre, le détatouage reste une technique qui n'est vraiment pas simple et qui peut donner des résultats vraiment pas super pour la peau. C'est pour cela qu'il faut réfléchir longuement avant de se faire tatouer, car si un jour vous le regrettez, le détatouage pourra potentiellement faire des cicatrices, mais reviendra aussi plus cher que le tatouage en lui-même. Passons maintenant à la deuxième partie de cette chronique, le tatouage noir et gris et couleur. J'ai décidé d'approfondir un peu plus le sujet de ces deux styles, même si je pense pas que l'on peut considérer comme tel, nous parlerons plus de choix artistiques. Commençons par le noir et gris. Celui-ci peut se définir par l'emploi de dilution d'encre noire. C'est un peu le même genre que le lavis en peinture. Cette technique permet d'obtenir différentes nuances de gris et d'ombrage, ainsi plus il y aura d'eau, plus ce sera gris et clair. Le rendu visuel d'un tatouage en noir et gris peut se rapprocher d'un dessin réalisé au graphite, particulièrement adapté pour les grandes tailles élaborées qui contiennent beaucoup de détails, comme dans le photoréalisme. Il a l'avantage de vieillir souvent mieux dans la peau que les tatouages en couleur. En effet, l'encre noire se fane moins rapidement. De par le développement des avancées techniques dans le monde du tatouage ces 20 dernières années, il est aujourd'hui possible d'utiliser des nouveaux dégradés et des nuances pratiquement infinies, ce qui offre une multitude de possibilités. Il est ce que l'argentique noir et blanc a la photographie, un apport de profondeur, de relief, ainsi qu'un côté classe au motif en résultera du tatouage noir et gris. Mais quel tatouage noir et gris choisir ? Même si le tatouage noir et gris n'utilise que de l'encre noire diluée, parfois ajoutée de blanc, il offrira la possibilité à chaque tatoueur de pleinement exprimer sa patte et son style, comme la variation dans le traitement des matières, dans les nuances et dégradés, et dans le niveau de contraste, etc. Ce qui permettra d'obtenir des rendus très différents selon l'artiste. Bien qu'il soit souvent privilégié dans les tatouages réalistes et les tatouages de portrait, le tatouage noir et gris est également la base du tatouage chicano, un style dont on a parlé dans la 14e chronique. Il peut bien sûr se retrouver dans d'autres styles, le biomécanique, le tatouage ornemental, le graphique, etc. A vous de choisir quel style vous voulez arborer en noir et gris. Pour les personnes qui n'ont aucune affinité avec le tatouage noir et gris, je vous propose le tatouage couleur. A l'instar du tatouage noir et gris, le tatouage couleur peut théoriquement se retrouver dans tous les styles, bien qu'il soit absent des tatouages chicano. C'est avec l'avènement du tatouage old school, un style dont on a parlé dans la 5ème chronique, que le tatouage couleur a commencé à faire ses armes dans les années 1930 aux États-Unis. En effet, dans ces années-là, les contraintes technologiques ne permettaient que l'emploi de couleurs primaires, souvent fabriquées de manière artisanale, et limitaient considérablement les possibilités artistiques. Depuis, les choses ont bien évolué. Les encres de couleurs sont aujourd'hui de grande qualité et sont fabriquées de manière industrielle, ce qui permet d'obtenir une palette de couleurs très large et d'ouvrir le champ à tous les motifs possibles et inimaginables. Grâce à cette nouvelle technologie, les encres sont maintenant beaucoup plus fluides et permettent une meilleure précision dans l'application afin de pousser toujours plus loin le réalisme. La palette d'un artiste tatoueur aujourd'hui est tout à fait comparable à l'artiste peintre. En effet, la variété des nuances est très large. D'ailleurs, il est tout à fait possible de mélanger deux ou plusieurs teintes afin d'élargir encore plus la gamme de couleurs. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi possible de mélanger de l'encre couleur à de l'encre noire plus ou moins diluée afin d'obtenir des gris colorés qui seront travaillés comme un tatouage en noir et gris. Les possibilités dans le tatouage couleur sont donc à l'heure actuelle infinies. La seule contrainte réelle tient au tatoué. Une personne à la peau très blanche optera plus pour un tatouage couleur qui lui permettra de faire ressortir celui-ci. Nous avons pu voir que, quelles que soient les préférences de chacun, tatouage couleur ou tatouage noir et gris, il sera possible de choisir tous les styles, bien que le noir et gris, comme dit plus tôt, est réservé au réalisme et au tatouage de portrait. À l'image d'un peintre peignant sur sa toile, un tatoueur fait de même sur la peau. En effet, la peau est la toile dont le tatoueur en est le peintre. Voici maintenant la dernière partie de la chronique, un motif et ses significations. Le motif du jour est l'œil. Vous connaissez sûrement ces expressions « je te vois, j'en ai vu des choses » ou encore « mon œil ». Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais nous ne sommes pas là pour parler des expressions contenant le mot « œil », mais bien pour parler du tatouage « œil ». L'œil est probablement l'un des organes les plus fragiles, complexes et fascinants qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui encore impossible à remplacer artificiellement. Et il faut être honnête que la vue est l'un des 5 sens dont il nous est impossible de s'en passer. Je donne tout mon respect à toutes les personnes aveugles. Le symbole de l'œil a des connotations mythiques et mystérieuses qui existent depuis des millénaires. Et d'ailleurs, il a été retrouvé ancré dans de nombreuses civilisations. Originaire d'Égypte antique, le symbole de l'œil est inséré dans un triangle et entre autres devenu un symbole des formations et d'Illuminati. C'est le symbole maçonnique le plus connu. Emblème de la science qui éclaire, il est aussi appelé Soleil d'Égypte et vénère le dieu Horus. Comme vous l'aurez deviné, le dieu du soleil. Ce symbole Illuminati se propage de plus en plus de nos jours sur le corps de nombreux tatoués, comme chez les prisonniers russes qui sert en quelque sorte de mise en garde. Un tatouage œil tatoué sur la poitrine peut signifier « jeter à l'œil ». Un tatouage d'œil ouvert désigne que c'est la conscience qui dirige ou encore la lumière qui démasque le mal. Nous avons parlé plus tôt du triangle qui entoure l'œil. Ce n'est pas la seule signification que l'on peut lui apporter. Il peut aussi représenter celui de la Sainte Trinité. C'est un motif que l'on trouve souvent sur les personnes sensibles à l'ésotérisme et les personnes adeptes de tatouages à forte symbolique. Chez les Indiens, il représente l'intuition. Chez les Africains, c'est la protection qui est représentée. C'est un motif dont la symbolique peut être tantôt protectrice, tantôt malveillante. Voici un dernier exemple. L'œil qui est placé au centre de la main de Fatma a pour rôle de protéger celui qui le porte et ainsi d'éloigner le mauvais œil.